aura fait une bonne chasse. » Zour ne refusa point, quoiqu'il fût moins prompt à risquer sa vie que le compagnon. L'alliance était son œuvre, il y songeait souvent avec prédilection et il se disait qu'aucun péril n'existerait plus s'ils étaient sûrs de n'être jamais menacés par le lion des rocs. Un matin, ils virent dans la caverne le corps d'une grande antilope. Une cuisse avait suffi à rassasier le carnivore. Il dormait pesamment, las de la poursuite, égorgé de chair. « Nous irons le voir à son réveil, » dit Aoun. « Il n'aura pas besoin de proie pendant deux nuits. » Ils y pensèrent pendant qu'ils erraient près du fleuve ou qu'ils se reposaient à l'abri des basaltes. Une effrayante lumière calcinait les terres sèches et donnait une vie sans bornes aux sites humides. À peine si quelques silhouettes furtives et vite disparues apparaissaient dans la plaine. Les aigles et les faucons se cachaient, les grues et les hérons demeuraient invisibles et l'on n'apercevait au loin que l'ébrouement d'un hippopotame replongeant vite ou le repos torpide d'un gavial à fleur d'eau. Vers le milieu du jour, Aoun et Zour s'assoupirent. Ensuite, ils rêvassèrent, assis sur la plateforme. Le roc, brûlant d'abord, fraîchissait avec l'accroissement de son ombre, et il vint une brise fine qui flattait la poitrine nue des hommes. Ils discernaient en eux-mêmes des choses innombrables qu'ils n'auraient pu exprimer. C'était la volupté de la jeunesse et de l'abondance, des mélancolies subites qui évoquaient la horde lointaine, des scènes de chasse, les départs des oulamres vers l'Orient méridional, la montagne et le fleuve souterrain, et les images de la terre inconnue. Quand il entreferme les yeux, Aoun revoit les dôles, les hyènes et les loups devant le feu clair, la bête rouge dévorant le rhinocéros et lui-même tuant la bête rouge. Son cœur se remet à battre, la victoire palpite comme le fleuve. Le désir de vaincre encore soulève tous les muscles de l'oulamre. Cependant, les lions rôdent autour de la hutte de liane. Les éléphants ancêtres écrasent la terre. Le python dévore le saïga. Les mêmes images hantent Zour. Elles prennent d'autres formes et d'autres nuances. Il songe préférablement au félin géant. Aoun y songe aussi, et il a hâte de voir venir le crépuscule. Quand le soleil commença à rougir, ils descendirent dans le fond de la caverne. Le fauve ne dormait plus. Il avait ressaisi l'antilope et rongeait une épaule. Le fils de la terre céda au désir de l'oulamre. Son courage était plus lent à croître, mais quand un projet avait germé, il risquait sa chair aussi résolument qu'Aoun. Ils remontèrent jusqu'à la plateforme, puis descendirent au pied de la chaîne rocheuse. Les troupeaux, s'étant abreuvés, cherchaient le gîte. La voix des psittacidés stridait insupportablement. Un gibbon rampa sur le sol et rebondit parmi les palmes. Dans le déclin proche, Aoun et Zour contournèrent les roches et parvinrent près de la caverne. Alors Aoun dit « Je marcherai le premier ». C'était son habitude. Sa poitrine précédait celle de Zour et s'offrait d'abord au péril. Cette fois, Zour résista, disant « Le lion des rocs me connaît mieux. Il est préférable que je sois entre lui et Aoun. » Il n'y avait pas d'orgueil entre les deux hommes. Chacun aimait les ressources qui étaient dans l'autre et en tirait de la sécurité. Aoun conçut que Zour avait raison. « Va, » dit-il. Il tenait sa massue dans la main gauche et son harpon le plus dur dans la main droite. En ce moment, le danger lui apparaissait mieux qu'au fils de la terre. Ils se regardèrent. Un aigle poussa son cri de guerre sur la cime des basaltes. Six gours énormes fuyaient dans les chancrures des collines. Zour marcha doucement et se profila devant le trou d'ombre. Il disparut. Et de nouveau, il fut face à face avec la bête souveraine. Elle s'arrêta de déchirer les chairs. Les feux verts enveloppèrent la stature de l'homme sans épaules. Il dit à mi-voix : Les hommes viennent renouveler l'alliance. Le temps des pluies arrivera, où la proie sera plus rare et plus difficile à prendre. Alors le lion des rocs aura avec lui la ruse d'Aoun et de Zour. Le félin géant entreferma et rouvrit les paupières, puis, se levant dans sa force nonchalante, il vint auprès de l'homme. Sa tête frôla l'épaule de Zour, et Zour passa sa main sur la crinière rigide. Quand elles sont touchées, les bêtes les plus farouches connaissent la confiance. Il n'y avait plus de crainte dans la poitrine du fils de la terre. Plusieurs fois, il renouvela son geste, et même il frotta lentement le long de l'échine. Immobile, le fauve soufflait avec douceur. Cependant, Zour hésitait encore à faire venir son compagnon, lorsqu'une ombre parut devant la caverne. Aoun était là, tenant toujours la massue et le harpon. Le félin géant cessa de souffler, et tendit son mufle trapu où les crocs luirent. La peau de son crâne forma de grands plis, ses muscles craquèrent, les feux verts phosphoraient. « Aoun aussi est l'allié du lion des rocs, » murmurait l'homme sans épaules. « Aoun et Zour vivent ensemble dans la caverne d'en haut. » Le monstre avait bondi. L'oulam rétreignait la massue, mais Zour s'étant posé devant son compagnon, l'immense poitrail cessa de palpiter. L'alliance fut complète. Ils revinrent les jours suivants. Le félin s'accoutumait à les voir et désirait leur présence. L'immense solitude le rebutait. Il était jeune. Depuis sa naissance jusqu'à l'automne dernier, il avait vécu avec ses semblables. Là-bas, à l'aval du fleuve, il occupait un repère au bord d'un lac avec sa femelle. Ses petits commençaient à chasser. Une nuit, le lac s'était élevé en tumulte. Les eaux bramaient sur les brousses. Le cyclone emportait les palmeraies. Un torrent avait écrasé la mère et sa descendance, et le mâle, emporté avec les grands arbres, était retombé sur la terre libre. L'ancien repère demeura toute une saison sous les eaux. Le fauve l'avait cherché d'abord avec une véhémence soucieuse et opiniâtre. Ses rugissements appelaient la race dans les pluies automnales. Des souvenirs tout vifs passaient dans le cerveau opaque. Les jours roulèrent. Le félin géant découvrit la chaîne rocheuse et s'y abrita contre les cataractes du ciel. Une tristesse obscure desséchait ses flancs. Aux heures de réveil, il flairait la caverne, et quand il ramenait la proie, il regardait autour de lui comme s'il attendait ceux qui, naguère, la déchiraient avec lui. À la longue, les images faiblirent et se dispersèrent. Il s'accoutuma à ne sentir aucune émanation à côté de la sienne. Mais son corps ne se résignait pas à l'ennui d'être seul. Un soir, Aoun et Zour l'accompagnèrent à la chasse. Ils passèrent tous trois dans la jungle, où la lueur de la lune, à la moitié de son cours, jaspait l'humus. L'odeur effrayante du félin éveilla les herbivores dans leur bouge. Tous reculaient aux profondeurs secrètes ou montaient dans les ramures. Ceux qui vivaient en troupe s'avertissaient mystérieusement. Au sein de cette vie innombrable, il était comme dans un désert. Ainsi, sa masse immense était tenue en échec par les sens subtils, par les ruses, par l'agilité et par la souplesse des faibles. Il n'avait qu'un geste à faire pour égorger le nagre, le saïga, le sanglier, le nigo. D'un bond, il terrassait le cheval ou le gour même, mais il savait s'enfoncer dans l'impénétrable ou dévorer l'étendue. Seule leur abondance favorisait la bête souveraine en les contraignant à pulluler dans tous les recoins de la plaine, de la sylve ou de la jungle. Malgré tout, l'aube voyait souvent le félin las de patience et d'efforts, qui rentrait affamé dans la chaîne rocheuse. Cette nuit, il demeura longtemps impuissant à atteindre l'axis ou l'antilope. Son émanation rude et véhémente, encore accrue par les effluves plus légers des hommes, élargit l'air dont les fugitifs n'enfreignaient pas les limites. À la fin, il s'embusqua aux confins de la jungle et d'un marécage. Des fleurs puissantes répandaient leurs arômes. La terre sentait le musc et la pourriture. Les hommes s'écartèrent et se cachèrent aussi, l'un parmi les roseaux, l'autre dans un massif de bambous. Tout avait fui. D'énormes batraciens mugissaient comme des gaïales. On entendait au loin le galop d'une horde. Un hibou passait sur ses ailes cotonneuses. Puis un sanglier parut qui fouillait le sol de ses défenses. C'était une brute épaisse, à l'encolure renflée, aux pieds fins, qui avançait d'une manière bourrue, avec des souffles brusques et des grognements. Elle connaissait sa force. Un lourd courage animait sa chair, hérissée de soie grise. Elle avait fait reculer les léopards, dédaignait les hyènes, mettait en déroute les loups et les dôles. Elle ferait face aux lions, si la fuite devenait impossible, ou si quelques blessures exaltaient son humeur. La conscience d'avoir défait tous ceux qui l'avaient acculé atténuait sa vigilance. Le sanglier arriva auprès des roseaux où se tenait Zour, et soudain, flairant l'effluve, il s'arrêta. L'odeur lui rappelait le gibbon ou le rhésus, dont il savait n'avoir rien à craindre. Il grogna seulement et se dirigea vers les bambous. Alors, pour le rabattre vers le félin géant, Aoun poussa son cri de guerre, tout de suite répété par le fils de la terre. Le sanglier recula, non par crainte, mais par prudence. Un piège est dans toute chose inconnue. Ni le rhésus, ni le gibbon n'avaient cette voix singulière. Au deuxième cri, il se jeta vers l'embuscade du carnivore. Une masse colossale s'enleva. Le sanglier darda furieusement ses défenses, mais la bête qui croulait sur lui avait presque le poids d'un buffle. Il trébucha, ses flancs s'ouvrirent, deux mâchoires de granit s'enfoncèrent dans les jugulaires. Quand la proie fut dans la caverne, Aoun voulut savoir si l'alliance était complète. Il prit sa hache, il trancha une cuisse du sanglier, et le félin géant le laissa faire. Les hommes surent que leur force était devenue aussi grande que celle d'une horde. Plusieurs fois encore, ils chassèrent avec le félin. Souvent, ils arrivaient à une grande distance de la tanière, car la proie s'écartait toujours plus de l'hôte terrible des rocs. Le cœur d'Aoun s'exaltait. Il aspirait à des courses plus lointaines encore. Une curiosité impatiente le harcelait. Un matin, il dit à Zour : Il est bon que nous connaissions les terres de chasse. Peut-être beaucoup de bêtes s'éloigneront-elles en automne. Zour veut-il m'accompagner au-delà du repère des tigres ? Zour n'avait jamais refusé de suivre son compagnon. Quoique sa curiosité fût moins vagabonde, elle était vaste pourtant et nourrie par la jeunesse. « Nous irons voir les terres où descend le fleuve, » répondit-il. Ils aiguisèrent leurs armes, fumèrent la viande séchée, rôtirent des racines et partirent alors que le soleil émergeait à peine sur l'autre rive, immense et plus rouge que le minium. Zour ne quittait pas la caverne sans peine. Il y avait connu la sécurité et l'abondance. Il y avait conclu l'alliance avec le félin géant. Mais l'âme d'Aoun devançait ses pas vers les territoires inexplorés. Jusqu'au milieu du jour, et après le sommeil qu'exigeait la rudesse du soleil, ils avancèrent sans inquiétude. La vue puissante d'Aoun et son flair de dôle décelaient les reptiles. Les carnivores dormaient et seuls les insectes troublaient la marche. Des mouches à tête rouge bourdonnaient insupportablement et suivaient par myriades l'odeur des viandes. Des némocères aux dards aigus jaillissaient dans les pénombres. Il fallait se garder des grands frelons dont 6 ou 7 pouvaient tuer un homme et pendant les haltes redouter le voisinage des termitières. Il était tard quand ils parvinrent au confluent. Aoun connaissait la rivière, l'ayant franchie à plusieurs reprises. Il guida Zour dans le défilé de blocs erratiques et l'emmena sur le terrain de chasse des tigres. Alors tout devint redoutable, car pendant le jour le lion occupe son repère. Il est pareil aux hommes. Il préfère un abri fixe qu'il retrouve en tout temps. Mais le tigre rôde à travers les sites. Son gîte est pris au hasard de la chasse et des errances. Il s'accommode des lieux qui rebuteraient d'autres fauves. Ainsi, l'homme ne peut prévoir ses démarches et ne sait quelle route prendre pour l'éviter. Loulamre et le fils de la terre marchaient à distance l'un de l'autre pour augmenter l'air de leur vision. D'abord, la présence des herbivores les aida. Ni les saïgas, ni les panoliers, ni les gours, ni les antilopes n'eussent pâturé dans le voisinage des tigres. Mais quand le vide se fit autour d'eux, les nomades subirent la fièvre et l'anxiété. C'était une terre ambiguë, où constamment la jungle s'ouvrait en larges clairières, en savanes, en landes marécageuses, puis resserrait ses bambous et ses palmiers. Aoun crut bon de se replier vers le fleuve à cause des îles qui s'élevaient en grand nombre. Car la solitude se faisait de plus en plus profonde sur la terre ferme, alors que fourmillait le monde des eaux. De longues aviales sillaient entre les îles. Des hordes de palmipèdes et d'échassiers barbotaient dans l'aisance. Des pitons endormis montraient leurs hélices gluantes. « Nous nous sommes rapprochés des tigres, » fit Zour à voix basse. Aoun attentif avançait lentement. La jungle, d'abord éloignée de la rive, s'en rapprochait tout hérissé d'aiguillons, tout tendu de lianes. Le fils de la terre, s'arrêtant, dit « C'est par ici que les tigres viennent boire au fleuve. » Il montrait une trouée dans les broussailles. D'ailleurs, des traces se décelaient Ezour se baissa pour mieux les reconnaître. Une odeur âcre s'en exhalait encore. Il chuchota. « Ils sont passés par ici. » Un frémissement agitait ses épaules. Aoun, anxieux, détacha son harpon. Il semblait que quelque chose des fauves fût demeuré avec leur émanation. Les fourrés craquèrent. Les deux hommes se firent aussi immobiles que les arbres. Toute fuite devenait inutile. Si les fauves étaient proches, il n'y avait qu'à combattre. Mais rien ne parut, et Aoun, flairant la faible brise qui venait de la jungle, dit « Les tigres sont loin encore. » Ils se remirent en route, se hâtant pour dépasser la zone dangereuse. Bientôt la jungle joignit le bord même du fleuve, et comme elle était plus impénétrable à la lisière, les hommes durent obliquer et s'enfoncer parmi les bambous. Ils finirent par atteindre une lande où pâturaient quelques herbivores. Comme le crépuscule approchait, ils cherchèrent un lieu propice au campement. À perte de vue, il n'y avait pas un seul roc, et il ne fallait plus songer à gagner une île. La lande était enveloppée par la jungle. Le soir serait venu avant qu'ils pussent parvenir auprès des eaux. Zour découvrit un groupe de sept bambous qui, croissant très près les uns des autres, formaient une espèce d'enclos. Trois des interstices étaient si étroits qu'un homme ne pouvait y pénétrer. Deux ouvertures permettaient à Aoun et à Zour d'y entrer obliquement, mais refuseraient le passage à un lion ou à un tigre. Enfin, les deux dernières avaient plus d'une coudée de largeur vers la base, mais se rétrécissaient vers le haut. Il était nécessaire de les fermer à l'aide de branches ou de lianes, jusqu'à une hauteur égale à deux fois celle d'Aoun. Ils arrachèrent rapidement des lianes et de jeunes bambous qui formeraient une barrière solide. Le fils de l'Urus les façonnait, tandis que Zour, plus habile constructeur, les attachait et les entrelaçait selon la manière de ses ancêtres. Le crépuscule était venu quand ils eurent fini leur travail, et aucune silhouette suspecte n'apparaissait sur la lande. Alors ils firent du feu et rôtirent de la viande séchée et des racines. Ce repas fut doux, car l'effort avait accru leur faim et ils goûtaient l'orgueil et la joie d'être des hommes. Aucune bête, même parmi celles qui savaient le mieux construire, n'aurait su s'abriter aussi vite et aussi sûrement contre les carnivores. Quand ils eurent mangé, ils demeurèrent quelque temps à l'entrée du refuge. La lune, presque à la moitié de son cours, s'inclinait vers l'occident. Quelques étoiles scintillaient sur la lande. Zour se demandait quels hommes les allumaient chaque soir. Leur petitesse était étonnante. On eût dit la pointe de faibles brandons, tandis que le soleil et la lune ressemblaient à ces feux qui sont faits de quelques rameaux. Mais puisqu'ils brûlaient si longtemps, c'est qu'on les entretenait sans cesse. Zour cherchait à discerner ceux qui renouvelaient le bois et ne pouvait comprendre pourquoi ils restaient invisibles. Parfois aussi, il songeait à la chaleur immense que donnait le soleil, plus forte quand il était au haut du ciel que lorsque vers le soir il devenait beaucoup plus grand. Ses songes décevaient et fatiguaient vite Zour. Il les abandonnait, il les oubliait même complètement. Ce soir, il se souvint des nuages qui s'étaient remplis de flammes après le départ du soleil. Il y avait dans l'Occident plus de feux que si l'on avait réuni en un seul soir tous les feux que les oulamres allumaient pendant tous les soirs d'un hiver. Et tant de feux produisaient moins de lumière et de chaleur que le soleil. Zour y pensa un instant, puis il fut presque effrayé par sa réflexion. Personne parmi les hommes sans épaules, ni parmi les oulamres, n'avait jamais paru s'en émouvoir. Il dit machinalement, « Quels hommes allument le ciel quand le soleil est parti ?» Aoun, après avoir songé au tigre, tombait dans cette torpeur qui ne l'empêchait pas de percevoir, par les sens, tous les périls de la nuit. La question de Zour l'éveilla. Il ne la comprit pas bien d'abord et n'en fut pas surpris, car Zour avait des idées qui étaient étrangères aux autres hommes. Levant la tête vers le zénith, il considéra les étoiles. Zour parle-t-il des petits feux qui sont dans le ciel ? Non, Zour parle des grands feux rouges et jaunes qui viennent de s'éteindre. Sont-ce des hordes qui les allument ? Alors elles sont plus nombreuses que les oulamres, les xames et les nains rouges. Le front d'Aoun se plissa. Il conçut vaguement des êtres qui seraient cachés en haut et cette idée lui fut désagréable. La nuit éteint les feux, répondit-il avec peine. La nuit fait briller notre feu plus fort. Cette réponse déconcerta le fils de la terre, et il songeait encore lorsqu'Aoun eut oublié une question qui ne l'intéressait pas. Cependant, la brise fraîchissait et elle apportait des rumeurs lointaines. Des bêtes furtives trottaient sur la lande et disparaissaient. Quelques-unes s'arrêtaient pour considérer le feu dont la lueur était de plus en plus éclatante. 5 ou 6 dôles rôdèrent sournoisement, flairant l'odeur des viandes rôties, mais bientôt ils disparurent. Soudain, des panolis sortirent de la jungle et se sauvèrent violemment. Aoun s'était dressé. Il tendit la narine et l'oreille, il chuchota. « Il est temps d'entrer dans le refuge. » Puis il ajouta, « Le tigre est proche. » Ils se glissèrent par les interstices des bambous. Là-bas, des broussailles s'étaient écartées. Une bête, rayée, parut dans la lueur d'argent et de cendre. De masse égale au lion, elle était plus basse sur pattes, plus allongée et plus flexible. Les oulambres et les hommes sans épaules la redoutaient plus que toutes les créatures vivantes, car le lion avait moins de ruse, d'acharnement et de vitesse. Le Machérodus était inconnu de l'autre côté des montagnes, et parmi les oulambres, Nao, Goun aux os secs, deux guerriers vieillis, avaient seuls rencontré le félin géant. Le tigre marchait sans hâte, avec une ondulation sinueuse, d'une manière formidable. La vue des flammes l'arrêta. Il dressa sa tête trapue, montrant le poitrail pâle. Ses yeux jetaient une lueur pareille à celle des lampyres. C'était le plus grand tigre qu'Aoun et Zour eussent aperçu. Le fils de l'Urus, malgré l'inquiétude qui précipitait la course de son sang, l'admirait car il avait une prédilection pour les bêtes puissantes, même lorsqu'elles étaient ennemies. Il dit cependant, « Le tigre des dévoreurs d'hommes est plus fort que celui-ci. » Et Zour ajouta, « Il n'est qu'un léopard devant le lion des rocs. » Il sentait toutefois que pour un homme, le tigre était aussi redoutable que leur fauve compagnon de la caverne. Après une halte, le tigre s'approcha obliquement, effaré. Il craignait le feu. Il avait fui devant lui sur la prairie, frappé par le tonnerre, mais celui-ci ressemblait à ces lueurs qui s'allument à la fin des nuits. Il arriva si près qu'il commençait à sentir la chaleur. En même temps, il discernait les palpitations de la flamme. Il entendait un souffle et des craquements. Sa défiance devint plus forte. Il tourna autour du foyer en se tenant à distance, et cette manœuvre le mena près des bambous. Les hommes lui apparurent presque en même temps qu'il recevait leurs effluves. Il feula, il poussa de cris de chasse qui ressemblaient à ceux des dôles. Sans réfléchir, Aoun riposta par son cri de guerre. Le tigre tressaillit, étonné, et examina les adversaires. Ils lui parurent faibles. Leur odeur ne rappelait que celle des proies timides. Leur masse semblait à peine supérieure à celle des loups. Or, tous ceux qui lui tenaient tête étaient d'immenses statures. Toutefois, ceux-ci étaient inconnus, et le tigre, dans la force de l'âge, ayant connu des surprises, pratiquait la prudence. La proximité du feu ajoutait son mystère à la singularité des hommes. Il approcha des bambous avec lenteur, puis il en fit le tour. Après tant de courses dans la jungle, il avait perfectionné son instinct des distances, cet instinct qui lui faisait invariablement atteindre la proie lorsqu'il n'y fallait qu'un bond. Il connaissait aussi la solidité des bambous. Il n'essaya pas de forcer les intervalles trop étroits. Il ne s'arrêta que devant les entrelacements de lianes et de branches. Sa griffe les tâta et il essaya d'arracher les plus minces lorsque le harpon d'Aoun faillit le heurter au naseau. Il recula en grondant et demeura incertain. Cette attaque rendait la bête inconnue plus étrange. Sa colère montait, un souffle furieux lui raclait la gorge, et prenant toute sa vitesse, il tenta l'attaque foudroyante. Cette fois, le harpon l'atteignit à l'angle de la mâchoire, car l'oscillation des branches et les mouvements du carnivore n'avaient guère permis de viser. L'assaillant perçut la résistance de l'obstacle et le courage de l'homme. Il recula de nouveau, se tapit contre le sol et attendit. Ce n'était pas l'heure de la chasse. Le tigre avait soif. Sans le feu, il aurait d'abord marché jusqu'au fleuve. Après quelque temps, sa colère se ralentit. Il sentit de nouveau cette aridité des glandes que seule pouvait apaiser l'eau fraîche. Alors, avec un long feulement, il se redressa, fit 2 fois le tour du refuge et s'éloigna. Une trouée était là-bas qui devait le conduire sur la rive. Aoun et Zour le virent disparaître. Il reviendra, dit Zour, peut-être avec la tigresse. Aucune liane n'a été déchirée, répondit le fils de Lurus. Ils songèrent pendant quelque temps au péril, mais leur âme ne tremblait guère pour l'avenir. Le refuge les avait protégés et les protégerait encore. Il était même inutile de veiller. Dès qu'ils se furent étendus, ils sombrèrent dans le sommeil.